Mosaïque. Bonjour chers auditeurs, auditrices de la radio Itanganilo. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'émission Mosaïque où nous allons parler de la loi des lois, à savoir la Constitution. Fin 2016, début 2017, le président de la République annonce avoir pris bonne note des propositions de la Commission nationale de dialogue inter-burundais. Entre autres propositions, la modification de la Constitution. Faut-il la modifier ou pas aujourd'hui ou partiellement? Pourquoi et comment? Tentons des réponses avec nos trois invités sur le plateau. Terence Nairaja, c'est l'assistant du ministre de l'Intérieur et porte-parole du ministère. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, chers collègues. Que nous sommes ensemble ici. Honorable Léon Sengendakoumane, il est le vice-président du parti Savanya Frodebou. Bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité. Et puis nous sommes avec Faustin Ndikoumana, c'est le président de l'ONG locale, PARSEM, Parole et Action pour le Réveil des Consciences et le Changement des Mentalités. Bonjour et bienvenue. Bonjour. La mise en onde est assurée par Eric Ouimana et Varis Ndikoumana est à la réalisation et au micro vous retrouvez Léonce Vitalio. Encore une fois, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans votre émission Mosaïque. Captez Itanganilo, écoutez la différence. Permettez que j'adresse ma première question à vous, Terence Nairaja, du ministère de l'Intérieur. La Constitution burundaise a déjà soufflé ses 11 bougies. D'ici le 18 mars 2017, ce sera la 12e. Est-elle déjà vieille ou pas aujourd'hui pour être modifiée? Merci de me poser la question. Comme vous le dites, justement, il y a 11 ans que la Constitution de la République du Burundi est en vigueur jusqu'aujourd'hui. Dire vieille ou non, ça dépend de comment on fait une analyse. Mais d'ores et déjà, je voudrais vous dire que la Constitution que nous avons a été mise en place juste après les négociations. C'est une Constitution qui régit un gouvernement post-transition, d'où au moment où nous sommes, il y a certaines choses qui doivent être changées. Quelles seraient les dispositions qui dérangent? Dire en long et en large ou intégralement ces dispositions serait difficile. C'est une question à laquelle pourraient répondre une commission qui serait mise en place pour justement d'abord analyser quelles sont les dispositions qui nécessitent justement certains changements, mais également c'est un travail qui n'est pas d'une journée ou d'une seconde. Tout simplement, la question à laquelle on peut répondre, c'est de savoir quelles sont les motivations qui pourraient pousser justement à l'amendement de la Constitution actuelle que nous avons. Permettez que je m'adresse à Léon Sengendakoumana, vice-président du parti Savanya Frodebou. Et c'est presque la même question. On s'achemine vers de nouvelles échéances électorales d'ici 2020. Faut-il ou pas que la Constitution de la République du Burundi change aujourd'hui? Je dois d'abord souligner que la Constitution dans un pays est une loi fondamentale. En dessous de la Constitution, il y a les lois organiques. Après, il y a les lois ordinaires et les règlements, les ordonnances, les décrets, etc. Alors, pour arriver à changer la Constitution, il faut quand même avoir constaté qu'au niveau de l'organisation de l'État, en fait, la Constitution, c'est un texte qui organise et qui gère un État. Un État n'est pas une association. Ce n'est pas une simple association comme le PARSEM, qui gère et qui organise un État. Alors, dans un premier temps, il est prévu qu'avant d'amender la Constitution, il faut analyser, examiner le contexte sociopolitique qui prévaut dans un pays. Deux, l'opportunité. Est-ce que c'est opportun? Enfin, il faut envisager des amendements pour réviser cette Constitution. Il y a même un article au niveau de la Constitution qui limite le moment où on doit amender cette Constitution. Parce que c'est aux environs des articles 299 ou 298, je n'ai pas ça en tête, qui indique dans quel contexte il faut amender la Constitution ou pas. Alors, aujourd'hui, je ne vois aucun intérêt d'amender cette Constitution parce que cette institution est considérée comme une des meilleures constitutions de l'Afrique. Et tout le monde est d'accord avec ça parce que c'est une constitution qui consacre la cohabitation pacifique, le partage du pouvoir, les hommes politiques, les femmes et les jeunes. Les ethnies sont associées dans cette gestion. Alors, si on veut désorganiser l'État, on peut envisager l'amendement de cette constitution dans la précipitation. Donc, pour vous, ce n'est pas opportun. Le contexte ne le permet pas et ce n'est pas opportun. Il faut d'abord commencer à vérifier si les lois organiques ne répondent pas à ce qu'ils veulent. Ça dépend de ce qu'ils veulent proposer ces amendements, ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est pour la nation? C'est pour eux? C'est pour qui? Faudra qu'il nous le dise, celui qui représente. Mais elle a failli être... pas, on va vous répondre. Hein. Mais elle a failli être modifiée. Mais le peuple, de 2014. Le peuple à l'Assemblée nationale. Le peuple à travers ses représentants. Représentés particulièrement par le parti CNDD-FDD, on dit non, qui n'est pas encore au portée d'amender la Constitution sans avoir évalué l'accord d'Arouche. Vous voulez justement parler de ce rendez-vous de 2014 à l'Assemblée nationale. Et il le sait très bien que le Parlement qui représente le peuple s'est déjà exprimé à refuser. Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi, y compris le président de la République. Il n'est pas au-dessus de la loi. C'est la même question chez Faustin Ndikoumana, président de la PARCEM, échangé. La constitution de la République du Burundi, aujourd'hui, ça dérange ou c'est normal? La constitution, comme on vient de l'évoquer, c'est une loi fondamentale dans un pays et c'est une loi très importante qui organise le fonctionnement des institutions de l'État. Plus particulièrement pour le Burundi, la constitution du Burundi vient de loin. C'est une constitution qui part, qui prend source sur un accord après-main négocié, après-main obtenu. Et vous savez que le Burundi a connu des crises politiques et cycliques. À une certaine période, les Burundais ont fait des négociations, ont obtenu un accord qui a cimenté la réconciliation nationale dans son pays. Et cet accord est en train d'être mis en application jusqu'aujourd'hui. Il y a beaucoup de phases de mise en application de l'accord d'Arusha depuis sa signature en 2000. Parmi alors les recommandations de l'accord d'Arusha, il fallait avoir une constitution qui doit régler le fonctionnement des appareils de fonctionnement des institutions de l'État, rétablir la démocratie dans notre pays. Donc la constitution alors a pris source sur l'accord d'Arusha, d'où il y a beaucoup d'éléments qui ont été obtenus pendant l'accord d'Arusha qui ont été transposés dans la constitution. Raison pour laquelle c'est une constitution à garder avec soin. Surtout que même, quelque part dans la constitution, il y a certains articles, notamment l'article 299, qui dit quoi ? Qui fait un avertissement à ceux qui voudraient modifier la constitution. L'article 209 dit, attention, tout ce qui viendrait pour faire reculer la réconciliation nationale, la cohésion du peuple burundi, le partage du pouvoir du peuple burundi, la démocratie et autre chose, il ne sera pas admis comme objet de modification. Et il faut alors voir, analyser justement le contexte actuel avec cet article pour que, au lieu que la tentative de modification de la constitution soit un élément de plus de cimenter la réconciliation, ne soit pas plutôt un élément de plus d'analyser cette crise politique. C'est ça la question fondamentale. Est-ce qu'analyser la façon dont on a obtenu cette constitution? Si on analyse l'article 299, si on analyse le contexte, est-ce que la tentative de modification de la constitution sera pour cimenter la réconciliation, faire retourner la paix au Burundi, ou bien ça risque d'être objet d'enlisement de la crise? C'est ça la question en fait fondamentale. Parce que modifier la constitution, il y a certaines clauses générales qui peuvent être modifiées. Parce que, par exemple, on a adhéré à l'East African Community. Il y a certaines clauses au niveau, par exemple, de la loi budgétaire qui existe des modifications pour que justement l'adhésion du Burundi à l'East African Community ne trouve pas comme entrave certaines clauses de la constitution. Il y a aussi certains éléments de la gouvernance qui peuvent être, j'avais pensé, vous savez, le Burundi a besoin d'une bonne gouvernance, une lutte contre la corruption effective et les droits de la magistrature. Mais pour certains éléments contenus dans l'accord d'Arusha, surtout qui ont permis à ce que le retour de la paix soit une réalité, malgré quelques ajustements, je crois vraiment qu'il faut y aller avec pincette. Monsieur Terence Nahiraj, du ministère de l'Intérieur, l'article 299 évoqué par le président de PARCEM, ça vous dit quelque chose? Permettez-moi, monsieur le journaliste, d'abord de passer à revue mon opinion par rapport justement à la révision de la Constitution. Ils ont expliqué les motivations de ne pas changer ou pas la Constitution. Je voudrais plutôt d'abord faire une petite démonstration de la nécessité de retoucher la constitution actuelle. Eh bien, comme vous le savez, la constitution de la République est une loi fondamentale de la République du Burundi. C'est un acte de souveraineté, une règle que le peuple burundais se donne à lui-même. Elle est formellement une norme juridique supérieure à l'ensemble des autres lois. Oui. L'honorable Léo s'en a déjà parlé. C'est la loi fondamentale. Exactement. La constitution actuelle en vigueur, souvenez-vous qu'elle a été approuvée par le référendum du 28 février 2005 et promulguée le 18 mars 2005 toujours. Et n'oublie pas qu'elle a été promulguée pour régir et établir les règles de fonctionnement du régime post-transition qui a pris fait avec l'organisation des élections de 2010. C'est d'ailleurs après 2010 qu'on ne voulait penser à justement retoucher il y a quelques dispositions de cette loi. Et puis peut-être une précision, vous voulez dire que la transition a pris fin quand? Justement, il y avait un gouvernement post-transition. Il y avait certaines dispositions qui devaient être changées après les élections de 2010. En principe, la constitution que nous avons devrait être révisée juste après l'année 2010. Après donc le mandat de 2010. Vous le lisez où? Mais ça n'a pas eu lieu. Où? J'explique. Toujours. Vous le lisez où? Permettez-moi de... Mais il y a certains articles qui nécessitent qu'ils doivent être changés, qui n'ont plus de valeur. Il faut dire comme ça, il ne pas dire que c'était prévu. C'était prévu. Mais la Kine était déjà là. Elle était peut-être déjà là. En plus, comme les autres constitutions du monde, la constitution que nous avons prévoit bien comment elle peut être retouchée. Ce sont les dispositions dont certains de mes amis ont déjà parlé ici, de l'article 298 à l'article 300, y compris même l'article 299. C'est un article qui met effectivement sur certaines dispositions, justement, qui, grâce à l'accord d'Arusha, sont intouchables. Là, je comprends tout à fait normal, mais cela ne signifie pas qu'on ne va pas changer. Il a même évoqué un des articles qui doit être changé, il le sait très bien. Et n'oublie pas qu'en fait, l'article 297 prévoit que le chef de l'État a les prérogatives de consulter les membres du gouvernement et proposer à la population l'amendement de la Constitution. La population a refusé. Et à moins d'une année, la population a refusé. Il n'y a pas de refusé. Non. Au Parlement, j'étais là. J'étais attention, là. C'est une seule voix. Les autres ont voté pour lui. Il y en a. Non, non. Ça, c'est arrogé. Non, écoute. Ah, d'accord. Vous le mettez. Et puis, la première étape a déjà été faite. Ils ont déjà analysé une note qui prévoit. C'est pourquoi, dans son discours de fin d'année, il a précisé dans son discours qu'il y mettra en place une commission. Vous parlez d'une seule voix qui a manqué. Je continue, je n'ai pas encore terminé. Vous allez donc. La décision, c'était quoi? Il ne faut pas parler d'une seule voix. Mais la décision, non. Permettez-moi de vous préciser, cet article donne soit les prérogatives au chef de l'État, après le constitution du gouvernement, et il a déjà fait, soit au Parlement, à l'Assemblée nationale, avec les 4/5 de la population, ou bien au Sénat avec les 2/3. C'est l'article 298. Alors, à ce moment-là, il est possible que la constitution puisse être révisée. En plus, souvenez-vous que certaines commissions indépendantes prises par la Constitution, après les rapports annuels qu'ils ont présentés, elles étaient à certaines lacunes. Dans leur rapport, ils proposent qu'il y ait des changements dans certaines dispositions de la Constitution de la République du Burundi. Pour arriver là où Léon se disait que le PPA a rejeté, je dis non. Souvenez-vous qu'après, en 2013, l'atelier de Kayanza, avec tous les politiciens et tous les intervenants, ils avaient abouti à une feuille de route qui définissait très bien comment on va amender la Constitution, comment on va mettre en place un code électoral consensuel. Et il y a un des éléments qui a été très positif. Grâce à cela, n'oublie pas que même, y compris l'honorable Léonce, ils avaient abouti à un code électoral consensuel grâce à ces éléments de la feuille de route. À un moment donné, certains éléments de la feuille de route n'ont pas été mis en application. Pourquoi? Parce qu'ils exigeaient le changement de la Constitution. Et ils ont préparé un projet, effectivement. Arrivé au Parlement, donc à l'Assemblée, une seule voix de l'honorable Niyoyangana, Bonaventure, a manqué, sinon tout le monde allait voter. Alors, si Niyoyangana a refusé, il ne représente pas trop le peuple burundais. Est-ce que vous voulez affirmer que grâce à un seul député qui dit non pour avoir le quorum, vous allez dire que le peuple burundais a refusé? Je dis non. Personne n'a été clair. Il a parlé d'une disposition. Au moment où nous sommes, nous avons des problèmes au niveau du ministère des Finances pour la loi budgétaire. Nous sommes en contradiction avec la communauté est-africaine. Les autres votent le budget au milieu de l'année, si je ne me trompe pas, au moment où au Burundi, nous sommes en novembre pour voter le budget. D'où une discordance au niveau du fonctionnement des affaires dans la sous-région. C'est aussi un élément important qui, justement, explique la nécessité de la révision de la Constitution de la République du Burundi. N'oublie pas aussi que les politiciens, les représentants des partis, les leaders des partis politiques, excepté peut-être l'honorable Léonce ou quelqu'un d'autre, ils ont même proposé que la Constitution soit révisée en tenant compte non seulement du résultat du dialogue inter-burundais qui touche à Safé, mais aussi du résultat du dialogue qui est en train de se faire à Arusha. Il y a même d'autres dispositions. La Constitution burundaise, c'est une émanation de l'accord d'Arusha. Et la Constitution burundaise, c'est la mère des lois organiques, des règlements. Exactement, je suis d'accord. Est-ce que tout va alors changer? Ah, c'est pas tout, je pense. C'est pourquoi, si vous avez bien suivi le Conseil des ministres que le porte-parole du gouvernement a prononcé, moi j'étais plus attentif à la radio, il a précisé qu'ils ont adopté qu'il faudra que le chef de l'État mette en place une commission dont le cahier de charge est le suivant. Primo, identifier les dispositions de la Constitution de la République du Burundi qui nécessitent certaines amendements. Je pense qu'il faut tenir compte de vos préoccupations dont vous avez parlé. Il y a certains éléments de l'accord d'Arusha qui sont dans la Constitution. Au niveau des forces de sécurité, par exemple, nous avons des chiffres qui sont là, qui sont prévus par la Constitution. Et il y a certaines dispositions, les touchés seraient aussi rassemblés encore une fois et Burundi et s'entendre dessus. À moins que le dialogue qui est à Arusha et celui qui est à l'intérieur aboutisse à cela, là ça pourrait être possible. Alors, identifier d'abord quelles sont les dispositions qui nécessitent justement par rapport à la réalité actuelle ou qui sont caduques par rapport à la situation actuelle. Et la commission devra soumettre ses propositions au gouvernement. Et le gouvernement va en faire une analyse. Après analyse du gouvernement, le gouvernement donnera l'autorisation à la dite commission de pouvoir proposer alors. Ce n'est pas aussi un travail final. C'est avec ça discuté. Et ça ne sera pas fini. À ce moment, je pense qu'on pourra obtenir, à travers la commission, un projet d'amendement. Et le projet d'amendement, ni le chef de l'État, ni le membre du gouvernement ne peut pas confirmer que c'est ça la constitution. C'est impossible. Soit le chef de l'État, conformément à l'article 227, peut soumettre par référendum son projet par la population. C'est un des éléments. Vous savez très bien. Mais je pense qu'au cours du travail, on aura le temps aussi d'expliquer à tout le monde, à tous les intervenants, pour qu'eux aussi, ils réagissent et donnent des contributions par rapport à ça. C'est pourquoi, en fait, l'autre a été adopté. Oui. Voilà, je m'arrête d'abord ici pour juste donner quelques éléments par rapport à votre question. Rendons-nous au sein du parti Savanien Frodebou, Léon Sengendakoumana. Vous semblez avoir été agité tout à l'heure lorsque Ferrance et Naïla Aja évoquaient notamment la question de transition. Je pense que la première chose dont il faut nous mettre d'accord, d'ailleurs tous les Burundais, c'est la vérité. Ils sont en train de mélanger tout et ne pas dire au peuple burundais les raisons qui motivent ce changement, cette révision de la Constitution. C'est uniquement l'histoire de mandat. Vous comprenez? C'est l'histoire de mandat. Ça, je sais. Je pense que l'honorable Léonce, parmi les motivations, écoute, monsieur le journaliste, j'ai évoqué les motivations. Et j'ai parlé du mandat. Je pense que c'est ce que pense Léonce. C'est là où je dis que vous mentez. C'est parce que le mandat a été quelque chose de domicile par Léonce qui a dit non aux élections. Je vais vous expliquer. Nous avons d'abord besoin des éclaircissements. Ah oui, hein? Bien sûr. Mais d'abord, je dois quand même féliciter notre collègue ici, Faustin, parce qu'il a rappelé l'histoire de cette constitution. C'est fondamental. D'abord, il y a un abus de langage sur l'accord d'Arusha et la constitution. Ce ne sont pas deux documents différents. C'est le même document. Monsieur Nélia a dit que la constitution, c'est le même document. Oui. En fait, la constitution, c'est quoi? Ce sont des dispositions constitutionnelles qui se trouvent dans l'accord d'Arusha. Et c'est un chapitre, un seul. C'est le premier chapitre du protocole 2. Les dispositions constitutionnelles qu'on a donné aux juristes pour les mettre sous forme d'une constitution. Sous forme, ce n'est pas pour changer le fond. S'il advenait que quelque part il y a un accent qu'on a oublié une virgule, on doit alors vérifier dans la constitution. C'est pour cette raison que le seul visa constitutionnel, c'est vu l'accord d'Arusha. Quand il y a un malentendu, on va là. Donc, il faut savoir que la constitution d'abord contient. Donc, la constitution contient. Il faut toujours se référer à l'accord d'Arusha. Et tout à fait, ça c'est normal. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Alors, je dois vous dire que d'abord, la constitution comprend une partie, la première partie, ce sont des orientations générales sur la gestion et l'organisation de l'État. Et ça insiste essentiellement sur ce que Faustin a évoqué, l'unité et la cohésion du peuple burundais. Et ça, c'est fondamental. Pour nous, c'est ça qui est fondamental. Pour tout gouvernement d'ailleurs. Chaque gouvernement doit s'engager à s'assurer que les actes qu'il pose vont dans le sens du renforcement de l'unité et de la cohésion nationale. Parce que sans cela, il n'y aura pas de paix, il n'y a pas de sécurité, il n'y aura pas de développement. Et vous comprenez que l'unité des nations n'aurait pas de sens. Deux, ce sont les dispositions qui concernent les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. Trois, les partis politiques. Quatre, les élections. Cinq, les institutions. Alors, où est-ce qu'ils focalisent leur attention pour changer cette constitution? Est-ce qu'ils veulent changer les orientations générales sur la gestion et l'organisation de l'État burundais aujourd'hui? Est-ce qu'ils veulent toucher au domaine des élections? Est-ce qu'ils veulent toucher au domaine des institutions? Qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Vous parlez d'une commission que le chef de l'État compte mettre en place ou qu'il a déjà mis en place. Est-ce qu'ils ont donné des orientations? Quelles sont les orientations que le gouvernement compte donner, qui ne l'a pas encore fait, à cette commission? Quelles sont les orientations? Parce qu'une commission ne peut pas travailler sur la révision de la Constitution sans avoir des orientations du gouvernement. Ce n'est pas possible. Et mes enfants, est-ce que, franchement, la priorité aujourd'hui, face à l'ampleur des problèmes que nous avons, les problèmes de secteur et de sécurité, les problèmes d'isolement du Burundi, je ne parle pas des problèmes économiques, là c'est la catastrophe. Le chômage, la pauvreté, la misère, le chômage, le système éducatif qui ne fonctionne plus, qui est en panne. Est-ce que franchement aujourd'hui on peut amener un débat sur l'amendement de la Constitution pour que un chef de l'État reste là pendant toute sa vie, pour que les anciens chefs d'État ne participent plus au Sénat. Est-ce que c'est ça la priorité de son pouvoir aujourd'hui? C'est ça donc l'objectif selon vous? C'est ça, ce n'est pas moi. C'est ce que le président de la CNDI a dit. C'est pas moi qui le dis. Est-ce que c'est ça franchement la priorité de son gouvernement et de cette commission? Ne m'interroge. Mais je le félicite aussi quand il a dit que ça devra être un débat mûr. Élargi à tout le monde. Pas aller se cacher quelque part. Et pas aller se cacher quelque part comme on l'a fait. Parle tout le peuple burundais. On connaît. Son peuple, mon cher ami, il faut savoir connaître sa maturité. Il ne faut pas toujours qu'on se cache derrière, c'est la volonté du peuple. Tout le monde qui parle, il parle au nom du peuple. Il parle au nom du peuple. Est-ce que c'est le peuple qui vous a demandé d'amender la Constitution de manière à ce qu'un chef de l'État il reste en vie? J'aurai le temps de vous répondre, mon ami. Ça, c'est la volonté. Ça, c'est la volonté de ceux qui sont dans ce pouvoir et qui veulent y rester. Et ce n'est pas seulement au Burundi. Ce n'est pas seulement au Burundi. Presque la totalité. Restons au Burundi. Allez en Gambie. Tu vas comprendre que ce n'est pas une affaire de Burundi, tout simplement. Alors, je me résume comme suit. Oui. Aujourd'hui, d'abord, il faut calmer la situation dans le pays. Il faut d'abord nous atteler au débat sur comment ramener les Burundais à cohabiter pacifiquement. Parce que maintenant, il y a une grave crise de confiance au pays. Il y a des problèmes liés à l'insécurité. Il y a des problèmes liés à la pauvreté, à la misère, au chômage. Il y a des problèmes. Alors moi, je me résume et je dis, groupons les questions. Commençons d'abord avec les questions en rapport avec la vie du pays et des citoyens. Ensuite, les questions en rapport avec l'accession, la gestion et, si vous voulez, comment quitter le pouvoir. Après, dans un deuxième temps. Si le pouvoir ou les partis politiques que nous constituons ne s'orientent pas dans ce sens, ça ne sert à rien de gaspiller les finances de l'État en disant on fait ceci, on fait cela, on fait cela. Il faut d'abord qu'on se focalise sur les questions en rapport avec la vie des citoyens et le pays. Ces histoires de mandats qu'ils veulent venir nous imposer, il faut d'abord mettre ça. Tant que vous avez le micro, il y a Terence Nahiraja du ministère de l'Intérieur qui disait tantôt que 2014, lors du rendez-vous à l'Assemblée nationale, une seule voix qui a manqué, c'est pas toute la population. D'abord, sûrement une voix pour le quorum qui est exigé avant de délibérer sur le projet de loi. La décision comprend et fausse. Si on vote et qu'il manque une voix, c'est non. Parce que le vote, c'est non. D'abord, c'est oui, non ou abstention. Alors, maintenant, la réponse a été claire, c'est non. Et le président de l'Assemblée nationale de l'époque a annoncé clairement que ça a été rejeté. Mais le peuple burundais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple burundais a rejeté. Et l'argument était quoi? On a dit que ce n'est pas opportun d'amender la Constitution avant qu'on fasse l'évaluation de l'accord d'Arusha. Et à mon sens, on ne l'a pas encore fait. Mais tant qu'effectivement, on n'aura pas amendé l'accord d'Arusha qui donne les orientations. Amender ou évaluer? Évaluer. Tant qu'il n'y aura pas encore l'évaluation de l'accord d'Arusha pour pouvoir proposer une révision qui donne ce que Faustin disait tout à l'heure, qui aboutisse à une cohésion du peuple burundais. Mais votre collègue ici sur le plateau. Une fois, je dis que le résultat a été non. Votre collègue ici sur le plateau, Terence Nahiraja, pourra dire que ce jour-là, c'était à ce temps-là, pas aujourd'hui. Voilà. Il peut le dire. Mais il faut savoir que le peuple n'a pas encore changé d'avis. S'il pense qu'il est au-dessus du peuple burundais ou au-dessus de la loi, c'est vrai. Parce que la loi a été claire, le peuple a été très clair. Mais s'il y a aujourd'hui des gens qui ont des armes, qui ont de l'argent, et qui pensent qu'ils sont plus forts, par cette voie, qu'ils sont plus forts que le peuple burundais et la loi, alors ça c'est autre chose. C'est la voie de la guerre, et moi je ne me soutiendrai jamais dans cette époque. Un mot à placer, Faustin Ndikumana. Parcelle. Bon, dire les pourcentages, une voix, c'est très bien contre une seule voix. Je voudrais rappeler à monsieur l'assistant du ministre de l'Intérieur. En 2002, les Français ont élu Jacques Chirac comme président de la République à 68% des intours. En 1981, quand Mitterrand a pris le pouvoir, quand la gauche arrive au pouvoir, il a été élu à 50,1 et Giscard d'Estaing avec 49,9. Mais au niveau de tous les deux, on disait que le peuple français a élu le président Mitterrand et le peuple français a élu le président Jacques Chirac. Même à un centime près, le peuple a élu, c'est comme ça. Dire qu'une seule voix ne suffit pas pour qu'on conclue sur un aspect, ça ne suffit pas. Bon, deux, je voudrais quand même rappeler certaines au niveau du préambule de la Constitution. Quand on dit réaffirmant notre foi dans l'idéal de paix, de réconciliation et d'unité nationale, conformément à l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi du 28 août 2000 et aux accords de Cessez-le-feu. Réaffirmant notre détermination inébranlable à mettre un terme aux causes profondes de l'état continu de la violence ethnique et politique, de génocide, d'exclusion, d'effusion de sang, d'insécurité et d'instabilité politique qui ont plongé le peuple dans la détresse et la souffrance et compromettent gravement les perspectives de développement économique et la réalisation de l'égalité et de la justice sociale dans notre pays. Ça, c'est très fort. Pour dire que l'accord d'Arusha et la Conso, c'est un patrimoine, c'est une richesse pour son pays. Quand on parle de souffrance, détresse, nous sommes dans une situation de crise économique grave, il y a des réfugiés, ça c'est de la souffrance. Ce qu'on parle ici, on devrait l'éviter. C'est pour cela que nous nous disons, modifier ou pas, ça ce n'est pas un problème, mais ayons dans notre tête, au niveau de notre introspection, le sentiment que cette constitution a une valeur très importante. Les principales causes de la constitution ont été négociées à Arusha. Moi, je suis d'accord avec Léonce Jomar, je l'ai dit. Tout c'est, même le pouvoir judiciaire, le pas de pouvoir, tout ce qui est dans la constitution, c'est comme ça a été négocié à Arusha. Je voudrais attirer l'attention que si le débat de la constitution, au lieu d'envenimer la situation, il faut voir comment le gérer d'une façon à plutôt renforcer la cohésion. C'est ce que moi je dis. Parce que vous venez d'écouter ce qu'on dit dans le préambule. Renforcer la cohésion. Parce que si vous avez le Burundi aujourd'hui, le classement qui vient d'être fait avec les 54 pays africains, nous sommes les derniers au niveau du PIB par habitant. 284 par habitant. C'est vraiment grave. Au niveau de tous les indicateurs, nous voyons qu'il y a une liaison avec cet arrêt de financement, cet isolement du Burundi. Nous voulons alors, nous les citoyens, moi je ne parle pas en tant que politique, je dis, nous ne voulons pas que débat sur la constitution nous arrive dans une crise politique. Parce que nous voyons la situation économique et qui est liée à cette stabilité politique. Quand nous voyons le gouvernement qui élabore des politiques, nous avons par exemple un programme national d'investissement agricole de 2012 à 2017 qui a un besoin budgétaire de 400 milliards au niveau annuel. Mais le gouvernement y met 27 milliards. J'ai ici dans le budget. Et nous sommes dans une situation de crise économique où même la fin, cette agriculture ne parvient pas à être transformée pour arriver à une vie décente citoyenne. Et nous voyons que c'est lié à cet isolement. Moi, en tant que citoyen, je vous dis, pourquoi nous arriver dans une crise alors que le Burundi continue justement à avoir des perspectives économique en paix noire. C'est pour cela que nous insistons sur cette cohésion, la situation de tous les autres aujourd'hui, telle qu'elle est avec cette constitution, est-ce que la situation vaut mieux plutôt qu'une situation qui viendrait mettre le poudre sur le feu à partir d'un débat stérile. Un débat stérile de la constitution entre la classe politique, vous savez, au Burundi. Alors, on nous arrive dans une crise politique, la misère continue, autant mieux voir comment sauvegarder cette cohésion et s'atteler à ces questions qui sont en train de faire que le Burundi s'enlise dans une crise économique, dans une vie vraiment de plus en plus moins décente de la population. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Pour ceux qui nous auraient capté en cours de route, et je rappelle qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la constitution burundaise, plus précisément, voir si c'est le moment de penser aujourd'hui à sa modification, pourquoi et comment. Trois invités sont avec nous sur le plateau. Il s'agit de Terence Nahiraja, assistant du ministre de l'Intérieur, Léon Sengenda Kumana, le numéro 2 du parti Savanya Frodebou, ainsi que Faustin Nikumana, le numéro 1 de l'organisation PARSEM, Parole et Action pour le Réveil des Consciences et le Changement des Mentalités. Retournons chez Terence Nahiraja, du ministère de l'Intérieur. Que... Et de la formation patriotique. Merci. Que dire... C'est très important. Que dire de la limitation ou illimitation de mandat présidentiel? Ça a été évoqué tout à l'heure par Léonce Nguyena Kumana. Premièrement, sachez que, et souvenez-vous que, la démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Si l'honorable Léonce a voulu minimiser le peuple comme quoi, et ne serait pas mûr pour s'exprimer sur l'une ou l'autre question qui engage leur vie quotidienne, ça serait vraiment très dangereux. Vous affirmez qu'il a mis... Mais il a dit que le peuple n'est pas mûr pour faire ceci ou cela. Il a été créé. Et après, il se contredit que le peuple s'est exprimé, comme l'a dit Fausté. Il y a des contradictions. Et ce qu'ils expliquent, ils sont en train de dévier sur les motivations de la révision de la constitution. Faire la cohésion du peuple, ne suffit pas à réchémato, retoucher ce qui est déjà caduque de la constitution. Modification peut y avoir lieu, mais en tenant compte de la sauvegarde de la commission. Et vous voilà. Voulez entrer dans le travail de la commission. Si, supposons qu'on a baissé parmi les membres de la commission, peut-être qu'il va s'exprimer. Mais laissons le temps à la commission qui sera mise en place, qui va informer au peuple burundais qu'est-ce qui devra être chargé. Ça devrait même passer au conseil des ministres. C'est ça la priorité actuelle du gouvernement. Mais c'est parmi les priorités, bien sûr. Non, pourquoi c'est parce la première. Parmi les premiers, pourquoi? Parce que le dialogue est par rapport à ce que le procès vient de dire. À travers le dialogue. Nourrir la population. Écoute. Habiller la population. Écoute, mon frère. Je vous ai laissé parler. Le dialogue entre Burundi qui a eu dans toutes les provinces, toutes les communes du pays. Vous avez suivi tout ce qui s'est dit. Parmi plusieurs préoccupations qui nécessitent justement le changement de la constitution, il y a également la révision de la constitution. Ils se sont exprimés, vous savez bien. Mais quant au contenu, quant à la proposition de se mettre sur fait, ce n'est pas le peuple qui le fait. Il y a des experts qui en sont chargés, mais que le gouvernement devra soumettre à son même peuple ses idées pour approuver ou non à travers un référendum. Je pense que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit. Léon s'est retourné, il a dit que rien ne cite le changement sauf le mandat. Qu'il a dit. Parmi toutes les motivations, moi je n'ai cité nulle part ce qu'on appelle le mandat. Mandat pour Léo, ça a été quelque chose qui l'a beaucoup dérangé à la veille des élections de 2015. Olovera. De 2015. Mais ça dépend de la population. La population va voter. Si Olovera. Non, si la population va voter pour supprimer le mandat, je n'aurai pas le droit de l'empêcher. Ça, c'est à ce moment normal. Supposons qu'on va se mettre au référendum. Fossé a été clair. Si c'est voté ou non. Si le peuple va dire oui, parce que la constitution que nous avons, c'est le peuple qui l'a voté. N'est-ce pas? Est-ce qu'après une année, le peuple paye encore de... Ce n'est pas une année, nous avons 11 ans. Ça, c'est votre solution. Non, non, je dis, la fois passée, le peuple s'est exprimé vers le Parlement. Qui, ce n'est pas opporté d'amender la constitution. Vous savez qu'il y a deux possibilités. C'est à travers le Parlement où le peuple lui-même s'exprime à travers le référendum. C'est le même peuple qui s'est exprimé. Bien sûr. C'est le même. Alors, on ne sait pas quelle voie, par quelle voie le gouvernement va faire. Laissons le temps. Comment est-ce que vous commencez à définir et offrir ceci ou cela? Laissons d'abord quel le travail. Soit la voie qu'on laissons d'abord le travail. Bonne expérience qui vont travailler. Parce que toutes les propositions seront soumises au Conseil des ministres. Vous voulez remettre en cause. Et ils seront proclamés. Vous voulez remettre en cause la volonté du Conseil des ministres. Et on aura du débat à ce moment, n'est-ce pas? Au lieu d'anticiper des effets ceci ou cela, alors qu'on n'est pas membre. Et n'oublie pas que, montrez-moi quelque part ou dans la constitution que nous avons, un article qui empêche la révision de la constitution, nulle part. Par contre, de 297 à 300, ça définit les modalités dans lesquelles on peut faire sa révision. Je crois que pour c'est vous. Clair, tout le reste, c'est vraiment hors sujet. Oui, pour vous, si la constitution de la République du Burundi était à modifier aujourd'hui, est-ce que la référence à l'accord d'Arusha aura-t-elle toujours sa place? Jusqu'à maintenant, l'accord d'Arusha. Une très bonne question. Jusqu'à maintenant, l'accord d'Arusha n'a pas changé. Je vous ai parlé avant. Donc, c'est les dispositions qui ont été prises de l'accord d'Arusha et mises dans la Constitution. Là, alors, c'est très important. C'est presque le nom. Et alors, à ce moment, c'est à la commission d'analyser qu'il faut-il changer, qu'il ne faut-il pas changer. Non, ce n'est pas la commission. La commission doit avoir des orientations du gouvernement. Les orientations ont été données. D'abord, on a donné la mission. C'est quel système? Mais les orientations sont faites dans la note qui a passé au gouvernement. Vous avez suivi, je vous ai dit. Non, moi, je n'ai pas suivi. Ils ont été créés. On ne réfère pas à tel ou tel chapitre. On a donné le droit à la commission d'identifier. On n'a pas d'accord de droit. On a proposé. Elle va identifier quelques dispositions ça ne marche pas, alors. Qui pourraient être changées. Alors ça, c'est. Mais c'est identifier, ce n'est pas approuvé. La commission peut identifier. Et le conseil dit, monsieur, voilà. Une petite question. Voilà. Une petite question. Je pense que les orientations finales seront données après la nomination de la commission. Et le gouvernement qui on donne une mission de travail à quelqu'un qui est déjà nommé. Attendons. Le processus de la mise en place. Et attendons ce que va faire le conseil des ministres. On va y arriver à ce moment. Vous voulez anticiper des choses. Qui doit se faire chacune à son étape. Je crois que le plus fondamental. Nous voulons entrer déjà. Le peuple s'est déjà exprimé d'après la CNDI. N'est-ce pas? C'est ce que vous avez dit. Le peuple s'est exprimé. A fait une proposition. Oui, oui. Le gouvernement doit faire sien. Je ne sais pas si ce sont des propositions ou quelque chose comme ça. C'est plusieurs idées que le peuple a données sur le gouvernement doit faire sien avant de demander à la commission d'identifier lui elle-même ce qui peut changer dans la constitution. Je répète encore. Ce qui est sage, monsieur. Écoute. Le peuple, à travers le dialogue, a demandé à ce que quelque chose soit. A donné des orientations. Il se donne le rapport. D'après vous. Il y a le rapport qui est là. Alors, mais le gouvernement ne se réfère pas à ça. Mais le gouvernement l'a déjà dit. Parmi la note, ils ont dit. Mais c'est déjà cité dans ce qu'ils ont exprimé. Qu'est-ce qu'ils veulent donner à la commission comme orientation par rapport à ce que le peuple a exprimé? Ça se trouve dans ce qu'ils ont analysé. Qu'on fait le PV du Conseil des ministres. Monsieur l'assistant des ministres. Et le aéroport est du gouvernement. Non, mais tout le monde n'y a pas accès. L'aéroport du gouvernement a déclaré officiellement c'est tous les médias. Qu'est-ce qu'il a dit? S'il vous plaît. Il faut avoir un document pour. Monsieur l'assistant. On n'est pas ici pour faire la lecture des documents, mais c'est pour vous dire que confère le conseil de ministre qui a lié son jugement. Quel essentiel? Il y a les éléments. L'essentiel, parce que l'opinion a besoin d'entendre. Partageons la parole, quand même. Écoute, l'article de son assiette est clair. Et demande au chef de l'État de consulter le gouvernement. Il l'a consulté à travers une interprétation proposée. Et maintenant, il y a la prérogative de mettre en place la commission qui aura comme cahier de charge identifier les artistes. Ce sont des experts, ce n'est pas n'importe qui doivent identifier ce qui doit être retouché et les proposer. Monsieur Faustin a toujours réclamé. Je ne veux pas entrer dans le travail et dans la parole. Bon. Laissez-le s'exprimer. Tout à l'heure, moi, j'ai dit que l'important est que le changement de la constitution ne soit pas un facteur qui cause l'arrivée de la crise burundaise ou de la crise politique. Nous sommes dans une crise politique. Et vous savez, il y a un dialogue intérieur. Oui, je suis d'accord. Mais vous savez qu'il y a un dialogue extérieur. J'ai été clair et je l'ai dit. Laisse-moi continuer. Ouais. Un dialogue extérieur dont les agents de la communauté nationale sont là. Nous avons un médiateur externe. Maintenant, l'East African Community, les partenaires du Burundi, l'East African Community, l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies, tous ont les yeux braqués sur le dialogue qui est à Arusha, qui va d'ailleurs compléter sur le dialogue intérieur. Mais je crois aussi que modification de la constitution pourrait être évoquée dans ce dialogue extérieur. J'imagine qui est toujours là. J'imagine qui est toujours invité. Moi, je ne suis pas invité là-bas. J'imagine que. Et je pense que ça sera aussi. Parce qui est toujours parmi là. Les propositions du médiateur, au mois de juillet, oui. J'étais à Arusha. Ouais. Parmi les propositions du médiateur, comme budget de dialogue, oui. Il parlait respect de l'accord d'Arusha et de la constitution. Ça sera un façon. Mais respect ne signifie pas ne pas réviser ce qui est révisé. Pas de problème. De toutes les façons, je crois que même la médiation aura à proposer. Par rapport à ce thématique. Je ne suis pas dans sa tête. Je dis attendons et voir. Les thèmes qui sont dans un dialogue, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui viendra d'Arusha qui parlera sur le respect de la condition et de l'accord d'Arusha. Je crois bien que ceux qui seront à Arusha dans ce dialogue diront une chose sur le respect de la constitution et de l'accord d'Arusha. Est-ce que cette commission qui est sur place aujourd'hui pourra accélérer ce processus avant ce qu'aura dit le dialogue d'Arusha par rapport au respect de la constitution de l'accord d'Arusha? Ça, c'est fondamental. Est-ce qu'on va accélérer les travaux de la commission ou bien on attendra ce que dira le débat d'Arusha par rapport à s'il vous plaît, tous les articles à amender ne sont pas ni les mêmes qui doivent être faits par le dialogue d'Arusha. Je pense que l'amendement d'opposition est soumis à la population pour en dire un mot. Le peuple burundais, c'est pour le peuple burundais. Monsieur Terence Nehilaj, je voudrais faire un. L'innommation n'est que tout ce qui est révisé doit être débattu à Arusha. S'il vous plaît. N'est pas, hein. Monsieur Terence, je voudrais. Dans la constitution que nous avons, elle prévoit les modalités pratiques. Un tour de table, vous exprimez sur un fait. Pensez à la modification de la constitution. Quand il y a encore des réfugiés à l'étranger, à l'extérieur du pays, des leaders politiques et des organisations de la société civile, est-ce que c'est le moment? Faustin Ndikumana, et on ira après chez... Moi, je me suis déjà exprimé. Je l'ai dit même dans le préambule qu'on dit pour alléger la souffrance du peuple burundais, les crises cycliques, on avait obtenu la constitution, l'accord d'Arusha. J'ai dit que c'est le patrimoine. Je dis, faut pas que le débat sur la constitution vienne occulter d'autres débats objectifs et sincères qui pourraient apaiser la tension politique dans son pays. Parce que nous sommes dans une crise politique qui a des répercussions au niveau sécurité, parce que les réfugiés ne rentrent pas, qui a des répercussions sur le niveau de vie des populations. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure. Sur la capacité même du gouvernement à faire face aux défis citoyens, notamment la crise alimentaire. Il y a des défis auxquels le gouvernement doit faire face d'une manière obligatoire, dont la capacité est altérée par cette crise politique. Nous voulons alors mettre un terme à tout cela. C'est pour cela que nous disons que ce débat devrait être mené avec pincette pour que la classe politique burundaise ait un consensus sur la modification de certaines clauses. Je dis de certaines clauses. Mais dire qu'aujourd'hui, en prenant un article qui harmonise le principe de vote de budget dans l'East African Community, il y a des articles qui ne dérangent pas. Mais il y a des articles sensibles, dont la sensibilité est évidente. Vous entrez dans le travail, dites-moi. Alors, je dis que cette sensibilité, pour les articles sensibles, quand on a l'accord d'Arusha, vous comprenez qu'il y a un débat de la classe politique par rapport à ça. Ça ne devrait pas être titre en apanage d'une simple commission. Êtes-vous sûr que ce cible sera touché déjà? C'est ça l'interrogation. Deuxièmement, je me dis plutôt, pourquoi ne pas aussi évaluer la mise en application de la Constitution? Nous dire pourquoi, par exemple, la Haute Cour de justice n'est pas là. C'est ça. Pourquoi le Conseil de l'unité nationale n'est pas là? Pourtant, la Constitution demande la mise sur le pied du Conseil de l'unité nationale. Il n'est pas là. Pourquoi? L'Observatoire de lutte contre le génocide et les crimes contre l'humanité, il est prévu dans la Constitution. Il n'est pas là. Pourquoi? Donc, autant plutôt d'autres mêmes débats. Pourquoi certaines causes ne sont pas déjà mises en application? Permettez-moi quand vous êtes là. Quand on a révisé la Constitution en 2005. Mais c'est un plus écoute. Dans la Constitution. Quand on a révisé la Constitution de 2005, est-ce que tous les articles de la Constitution étaient mis en place? On n'attend pas qu'on mette l'application ça pour ça pour réviser les constitutions. Même ce débat devait être nécessaire. Ce sont les situations politiques, économiques et sociales qui font que tel ou tel amendement peut se faire à la constitution. Il y avait une question pourquoi qui avait été déjà posée, monsieur. Je vous montre même que même en 2005, ce n'est pas toute la constitution qui a été mise en place. Une question qui avait été déjà posée, ne pensez-vous pas que peut y avoir des gens, des personnalités, des leaders qui sont écartés lorsque l'on pense à modifier une constitution alors qu'il y a des personnalités qui sont en exil? Et je pense que quand on a révisé la constitution de 2005, n'oublie pas qu'on avait un grand monde de réfugiés burundais qui étaient tous à l'étranger. Vous avez dit qu'est-il à mal de réviser alors qu'il y a beaucoup de burundais à l'étranger. Oui. J'aimerais vous informer que ce n'est que jusqu'en 2014 qu'on avait déjà rapatrié plus de 573 000 Burundais qui étaient réfugiés depuis plusieurs années, y compris 93. Mais maintenant, ça peut arriver. Alors, vous dites comme quoi répéter la question en fait que vous posiez. Je posais la question, pensez à la modification de la Constitution aujourd'hui quand il y a encore des réfugiés, des leaders politiques et des organisations de la société civile. Est-ce que c'est le moment? Moi, je pense qu'il n'y a personne qui est exclu. Pourquoi? Il y a un dialogue qui est au Burundi. Il y a un dialogue qui est à Arusha. Mais n'oublie pas que les Nations Unies ont sorti des résolutions comme quoi l'équipe qui a voulu faire le coup d'État le 13 mai 2015, les gens qui ont travaillé dans cette histoire ne feront pas partie du dialogue. Qu'on fait les deux résolutions des Nations Unies. Alors, à ce moment, il y a plutôt la justice qui cherche 34 personnes qui sont trempées. Vous voulez caler qui a joué un rôle dans le putsch, qu'on veut prendre comme un Burundi constructeur alors que je ne suis pas la justice. Il doit être sanctionné. Sinon, il faut libérer tous les prisonniers pour faire le dialogue. Est-ce que ce sont les seuls qui pourraient en suivre? Est-ce que ce sont les seuls qui sont moi, je sais que ceux qui sont recherchés sont. Écoutez, le document est là du procureur général de la République. C'est 34 personnes. Tout le monde est invité à donner sa contribution. Et moi, placer les enseignants de la commande du Frodé. D'abord, sur l'amendement de la Constitution, je dis à moi. L'article 7 de la Constitution, c'est l'article 7, je vois qu'il y a la Constitution là-bas, stipule que la souveraineté du peuple peut s'exercer de deux façons, de deux manières, comme il a dit l'assistant, de deux manières, soit par référendum directement, ou soit par le biais de ses représentants, les députés. Qu'aucune partie du peuple, je dis bien aucune, ne peut s'en approprier le droit de l'exercer à sa place. D'où le dialogue est de l'exercer à sa place. D'où le dialogue est interdit. Même le chef de l'État et son gouvernement n'ont ce droit de s'arroger ce droit. Alors, le peuple burundais s'est déjà exprimé via le Parlement. Le Parlement a réuni. J'étais là, c'était vers la fin de 2013. Les deux chambres ont réuni le gouvernement, les partis politiques, les confessions religieuses, la société civile, les partenaires étrangers. Et après cette large consultation, le gouvernement était présent. Et il était suffisamment représenté d'ailleurs. Et après cette consultation, au mois de mars, je pense, 2014, le Parlement s'est réuni pour rendre publique sa décision, la décision du peuple. La décision du peuple, jusqu'au moment où on discute, c'est de ne pas amender la Constitution avant l'évaluation de l'accord d'Arusha. Vous nous avez induit en erreur, il ne fallait pas poser cette question comme ça. Puisque nous avons l'obligation de respecter la volonté du peuple. Respecter aussi la Constitution. Jusqu'à ce que ça change. Parce que Dieu prévoit en elle-même comment elle doit être changée. Mais le peuple s'est déjà exprimé que c'est après évaluation de l'accord d'Arusha. Est-ce qu'on l'avait déjà fait? Moi, je considère la Constitution elle-même pour proposer des amendements. Elle est claire, c'est la loi fondamentale. Ce qu'on a de la part n'est pas supérieur à la Constitution. Ok, donc moi, juste ça ne figure même pas dans une loi ou dans un décret. Est-ce qu'on peut appeler comme supérieur à la loi fondamentale? C'est que vous dites qu'il n'est pas correct. Est-ce que le peuple s'est déjà exprimé? Je ne sais pas, je ne sais pas là. Mais à ce que je sais, c'est que il a marqué. Donc, il se revoit dans le projet de constitution. Je vous demanderai de faire en sorte que nos auditeurs puissent saisir le message. D'accord. Ok. Sur le mandat, c'est un engagement que nous avons déjà pris et ça se trouve dans le deuxième protocole de l'accord d'Arusha et ça a été repris dans la constitution. Ce n'est pas à discuter aujourd'hui, c'est un engagement que les Burundais ont pris. Ça a été entériné par le peuple burundais par référendum dans cette constitution même. Donc il n'y a pas de débat possible. On fait deux mandats en point très, hein, où vous avez réalisé des choses, où vous ne les avez pas réalisées, vous partez. Il y a des raisons, nous avons donné des motivations là-dedans. Je crois que l'article 96 qui a fait le beaucoup d'angle était que le truc que vous aviez fait avec Minani Orosé et le ministre de la Justice. Ce truc est écrit. Je connais. J'ai un témoin au clair. On ne veut pas des trucs. J'ai un témoin au clair. Ce n'est pas l'honorable Léon, c'est Minani. Ce sont eux qui ont transformé l'article 96 quand j'étais au pouvoir pour le café de compte. Ils ont obligé le mandat qui sont. Et voilà que le phénomène a changé. Vous êtes tombé dans les rêves. C'est vous qui êtes tombé dans les rêves. Vous êtes coincé par votre pied. Vous avez ouvert le mandat et voilà que finalement le mandat est arrivé. Nous ne passons pas au pouvoir. Nous ne voulons pas se débattre au niveau de la Constitution. Le piège qu'il a tendu, c'est lui qui a été coincé. Ok. Vous croyez que vous serez au pouvoir à ce moment et vous croyez briguer ce mandat. Une fois ouvert, et voilà que le moment est arrivé. Alors que ce n'est pas le pouvoir. Alors, une fois coincé, il commence à crier comme quoi il fait le troisième mandat, alors que c'est faux. Maintenant, les citoyens, nous voulons que vous vous conformez si ce qui est écrit. C'est pourquoi, sans aller dans c'est pourquoi nous voulons trancher si c'est confusion. Ce qui est écrit aujourd'hui, tout ce qui est confusion politicienne, on n'en veut plus entre vous. Mais, nous voulons le respect de ce qui est écrit comme constitution. Voilà ce qui est écrit. J'ai la fondamentale ici, la constitution. Je me réfère à la constitution et recréer de l'article 227 à 300, comment il doit être changé. Est-ce que le gouvernement va faire? Je vous dis et je vous Pensons okay. à une solution. Okay. Alors, si le dialogue, j'en conviens avec lui, les Burundais se sont déjà fixés comme élément fondamental le dialogue pour résoudre les conflits, les crises, etc. Tout à fait, mais à condition que ce soit un dialogue franc et sincère. Alors, à ce niveau aujourd'hui, il y a des problèmes qui sont en rapport avec la crise que nous vivons aujourd'hui, qui sont faciles à résoudre d'ailleurs. Il y a des problèmes, comme Foster le disait, qui concernent la vie des citoyens, tout le peuple burundais, qui demanderont beaucoup de temps, qui exigeront un dialogue permanent jusqu'à la fin du Burundi. Exactement. Alors, parce que ne parlez pas de l'histoire d'une commission de 6 mois ou de 10 années. Ça, c'est pour des questions ponctuelles. Moi, je me dis, soyez honnête, dites que vous voulez que la constitution change par rapport au mandat. Et on va trouver la solution. Mais si vous ne posez pas la question comme il faut, on devra aller dans la logique que Fossin était en train de proposer, discuter d'abord les priorités du peuple. En lieu et place des priorités de l'homme au pouvoir, des hommes qui veulent aspirer au pouvoir. Je suis dedans, mais dans un deuxième temps. Cette histoire de constitution, demander la constitution, ça sera un deuxième temps. Alors, c'est pour dire que ce n'est pas opportun aujourd'hui de demander la constitution, puisque la décision du peuple est toujours là. Un petit tour de table pour proposer des solutions. Je commence par vous, Terence Naïda, agent du ministère de l'Intérieur. Une constitution a une dizaine d'années, 12 ans, 13 ans, on pense, à sa modification. Pourquoi? Comment procéder pour avoir une constitution beaucoup plus durable, plus rassurante pour le Burundi et les Burundais, où la constitution déjà actuelle, elle est claire et peut continuer à régir la nation? La constitution n'est pas la Bible, ce n'est pas une sainte écriture. Ça, c'est ma première justification. Ce sont les idées des personnes qui mettent ensemble pour définir comment ils doivent être gouvernés politiquement, économiquement et socialement. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le monde évolue et les choses changent. Le Burundi des années 60 n'est pas le Burundi d'aujourd'hui. Il y a des changements au niveau du monde, des changements climatiques, des changements politiques et tout qu'on sort. Et il peut arriver que dans ma route, on doit retoucher la constitution. Tertio, n'oublie pas que la loi est dynamique et doit évoluer avec le temps. C'est tout à fait normal. Il existe dans le monde entier des situations qui font que, justement, la constitution change. Et enfin, juste pour me résumer, je ne suis pas constitutionnaliste quand même, j'ose le dire. Mais je pense que les experts pourraient peut-être nous proposer une constitution qui définirait vraiment en termes généraux tous les secteurs et tout ce qui doit se faire et ne pas entrer dans les détails. Je pense à mon avis que ce sont les petits détails qu'il faut que justement il y ait beaucoup de changements à mon avis. Regardez aux États-Unis, il paraît qu'ils ont une constitution qui date de plusieurs années. Mais cette constitution, il paraît qu'ils peuvent changer un article, mais faire une annexe sans toutefois changer la constitution. Je ne sais pas. En échangeant avec les autres, c'est ce qu'on nous dit. Moi, je pense que ceux qui ont constitué la constitution, ils auraient été plus généraux, plus essentiels. Est-ce que vous me comprenez? Parce que si vous entrez dans le détail, dans une loi fondamentale, nécessairement que les détails doivent être changés. Mais si on aurait vraiment défini en termes généraux, je ne suis pas expert, c'est du moins ce que je pense. Il serait un moment où nous aurions une constitution où vous vous retrouverez au lieu de la changer, comme l'avait dit au début l'honorable Léos qui disait. C'est peut-être un décret qui pourrait trouver solution à une telle question. C'est peut-être une loi ordinaire qui peut trouver une réponse à cette question. C'est peut-être une loi organique sans toutefois toucher. Il faut alors que nos expérimentés, qui le savent, à un moment donné, nous proposent quelque chose de plus général, de plus consistant, qui ne serait pas toujours touché. Si une fois on cherche un problème, on se retrouve. Même si je ne suis pas constitutionniste ou réaliste, j'aimerais vous dire que, autant qu'on aura toujours trop de détails dans une loi fondamentale, nécessairement qu'avec l'évolution du temps, on sera obligé de la retoucher. Voilà ce que je peux dire. Léon Sengedakoumana, du Front des Boules. Oui, d'abord, je dois aider mon frère. La constitution n'est pas un ensemble des idées que les gens mettent ensemble. Ce sont des engagements d'un peuple. Ils s'engagent en ce qui concerne la ceci. J'ai déjà évoqué les parties qui se trouvent dedans. Ils prennent des engagements. Avant de changer ces engagements, mon cher ami, il faut respecter la procédure qu'a proposée M. Fortin. Surtout le contenu de l'article 299. Ça prime sur toutes les autres dispositions qui concernent parmi ce que j'ai cité et complice. Moi, je vous ai dit 297 à 300. Je vous accepte dans tous les cas. Mais cet article-là est fondamental. Il se complète. Alors, je dis, ce n'est pas cette constitution qui pose un problème. En fait, ils ont un problème. Ils ont un sérieux problème. Ils ne sont pas à mesure de dire clairement ce qu'ils veulent amender dans cette constitution. Quand vous projetez amender la constitution, vous avez un choix politique. Vous dites, par rapport à cette orientation qui se trouve là, il y a des problèmes. D'ailleurs, c'est une question que vous avez même posée avant. Quelles sont les dispositions? Mais j'ai répondu à cette question. Au moins une ou deux. Vous voulez que je vous dise? Mais je n'ai pas capable de donner la réponse. Vous allez lire ce qu'il appelle le rapport, le PV du porte-parole du gouvernement. Non. Mais tout le monde n'a pas accès à ce rapport. Non. Je dis, tant que le gouvernement n'aura pas encore donné les orientations sur ce qu'il veut amender dans la constitution, parce que comme vous le dites, on ne peut pas amender toute la constitution. Bien sûr, ce n'est pas toute la constitution. Ce sont les quelques qui concernent la vie des citoyens, on va amender la constitution. On va amender la constitution dans cette histoire de partage de pouvoir. Vous allez voir. Sinon, cette question de en rapport avec le vote budgétaire dans les Safe Community, ça avait été réglé au Parlement. Cette question d'intégration de la femme, ça avait été réglé. Mais comme l'histoire de mandat n'a pas passé, comme l'histoire de supprimer le visa vu l'accord d'argent dans la Constitution n'a pas passé, le gouvernement a tout abandonné. Comment ça devient une priorité? Ça n'a pas été résolu parce que ça figure toujours dans la constitution que nous avons actuellement. Ça a été résolu. Pourquoi vous n'avez pas ça n'a pas été changé. Pourquoi je sais la constitution ici. Je suis en train de vous mentir parce que toujours dans s'il vous plaît. Bien défini. Léon Sengedakoumana. Je vous dis que le compromis avait été trouvé. Il fallait laisser l'Assemblée nationale amender la constitution et mettre ces trois dispositions. Ça n'a pas été. Et vous avez refusé d'amender. Parce que pourquoi? Il y a le temps qui pèse. Un appel aux décideurs. Appel aux décideurs, c'est de respecter la décision du peuple burundais de 2014. Amender la constitution, c'est bon, mais après avoir évalué l'accord d'Arusha. Dès lors qu'on n'aura pas encore fait, on n'aura pas respecté les choix du peuple burundais. Un appel aux décideurs, M. Fortin, dit comment? Un appel aux décideurs. D'abord, nous, en tant que de la société civile, nous voulons qu'on laisse de côté les spéculations politiciennes. Je sais qu'au moment de la révision des constitutions, chez certains hommes politiques, il y a une tendance de vouloir ôter ou mettre des articles pour protéger les intérêts des uns et des autres. Ça, c'est dans le sens politique. Vous alliez l'évoquer même tout à l'heure, disant que c'était préparé pour Milan et que maintenant ça s'est tombé. Voilà, il avait piégé, okay. Il avait mis le piège. Je vous dis, nous, en tant que citoyens, ces aspirations politiques, on veut les mettre d'à côté, de les mettre de côté. Nous voulons le changement de la constitution qui ne vienne pas analyser la crise politique. Et je dis, au niveau du préambule, on évoque l'accord d'Arusha, on évoque alléger la souffrance du peuple burundais. L'article 299, il est clair. En 2014, le débat a été initié. On a vu les conclusions. Je crois bien que le débat sur la constitution, il faut y aller avec pincette, parce que je dis que l'accord d'Arusha et la constitution actuelle marquent la renaissance du Burundi. La renaissance. Ceux qui veulent utiliser cet accord d'Arusha la cause habituelle comme quelque chose qui c'est la renaissance. Vu les conditions qu'on avait, même on avait mis beaucoup de constitutions. Mais la spécificité de cet accord et la cause marque la renaissance. Tout ce qui a été des changements, tout ce qui a été mis, même les accords de zéro fait, ceux qui veulent les séparer avec l'accord d'Arusha, on a dit qu'ils font partie intégrante de l'accord d'Arusha pour que l'opposition puisse soit comblée. Alors, nous voulons que les hommes politiques sachent respecter les éléments qui fondent la renaissance de son pays, qui fondent la stabilité de son pays, pour alors qu'on puisse s'attirer aux autres défis maintenant qui entre le peuple burundais, qui fait que le pays reste le dernier sur tous les plans au niveau des aspects économiques, développement. On veut s'attirer à la stabilité, à la bonne gouvernance, au développement économique, pour la souffrance. Le reste, le ciment de la réconciliation, on l'a depuis 2002 avec tous les procès qui ont été engagés après, je promesse. Et moi, je demande au gouvernement de la République du Burundi d'amender la Constitution de la République du Burundi conformément aux articles 297, 298, 299 et 300, tout en respectant également les différentes idées qui ont été proposées par les Burundais à travers les dialogues inter-burundais. Je vous remercie. Merci, Terence Nahiraja. Je rappelle que vous êtes l'assistant du ministre de l'Intérieur et porte-parole du ministère de l'Intérieur. Merci de votre participation. Merci beaucoup de m'avoir invité, monsieur le journaliste. Merci, Léonce Ngenakoumana, vice-président du parti Sarwanya Frodebou. Merci de votre contribution. Merci aussi en rappelant que la priorité actuelle de tout pouvoir des partis politiques, de la société civile elle-même, c'est l'unité et la cohésion et la solidarité du peuple burundais. Il faut que ça qui doit être la priorité et n'est pas la madame. Et ça doit être figuré dans la Constitution. Merci, Constant Ngenakoumana. Je rappelle que vous êtes le président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et le changement de mentalité. Parcelle, en cycle. Merci de votre contribution. Merci. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Je rappelle qu'elle portait sur la modification de la Constitution. Pourquoi aujourd'hui et comment? La mise en onde était assurée par Eric Wimana et Variste Nzikobanyanga était à la réalisation et au micro. Vous étiez avec Léonce Vitalio. Très bonne suite des programmes sur Radio Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.